الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. C'est notre deuxième rencontre autour des vertus des compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففضائل الصحابة كثيرة، وسبيل أولئكم الخيار الذين اختار الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وسبيل النجاة، وأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تدلنا على خيريتهم وفضلهم على سائر البشر بعد الأنبياء رضوان الله عليهم. الصحابة أولئكم الخيار ضربوا لنا أمثلة عظيمة في الخير وفي التمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدب عن هذا الدين وفي تبليغ هذا الدين، وضربوا لنا المثل الأعظم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبوا رسول الله أكثر من أنفسهم، وأكثر من أولادهم، وأكثر من أموالهم، وأكثر من أوطانهم رضوان الله عليهم. وهذه من أعظم أمثلة الخير، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه ونصروه. Les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, leurs vertus sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Leur voix, c'est la voix pour être sauvés dans ce bas monde et dans le-delà. L'agrément d'Allah عز وجل dans ce bas monde et dans le-delà, il est dans leur voix. C'est la seule voix qui amène l'agrément d'Allah عز وجل. Les preuves pour leurs vertus sont nombreuses, que ce soit dans la parole d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ils nous ont donné les meilleurs des exemples au niveau dans les chemins de, dans tous les chemins du bien. Et ils nous ont donné le meilleur exemple dans le fait de se cramponner à cette religion et de se cramponner à la voix de leur prophète alayhi salatu wasalam. Ils ont aimé le prophète alayhi salatu wasalam plus qu'eux-mêmes, plus que tout ce monde et ce qu'il contient. Ils ont défendu ce prophète, ils étaient ses alliés. Ils l'ont aidé à transmettre cette religion. Ils ont transmis après lui comme il se doit, ridwanullah alayhim. Et leur amour du prophète alayhi salatu wasalam, c'est le plus grand et énorme bien. Et ils ont répondu à l'appel de Mohammed alayhi salatu wasalam, ils ont rien changé après sa mort, radhiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fihim min al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu alayhi faminhum man qada nahbah wa minhum man yanfadhir wa ma badalu tabdila. Rijalun sadaqu fahum ahlu as-sidq wa lam yubaddilu shay'an la fi kitabillah wa la fi sunnati al-mustafa alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala les décrit ainsi. Il est des croyants, il est parmi les croyants des hommes, et les a appelés des hommes, qui ont accompli le pacte, qu'ils étaient véridiques dans le pacte qu'ils ont fait à Allah, azza wa jal. Et à la fin du verset, le verset te donne une autre description. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé des enseignements et de la religion que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a transmis. Ils sont restés sur la pureté de cette religion. Ils ont transmis cette religion pure comme ils l'ont reçue de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce sont deux caractéristiques, deux vertus véridiques. Ils n'ont rien changé de la religion d'Allah azza wa jal. Et maintes versets nous parlent d'eux et de leur éloge. Et les versets font comme quoi le chemin, c'est le seul chemin. Tu as juste un seul verset. Médite-le, frère, en Allah Azza wa Jalla. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ماذا رضي الله عنهم ورضوا عنه أي أن السابقين من الأولين والمهاجرين والأنصار هادوا رضي الله عنهم بدون شرط ومن تبعهم يجب ومن بعدهم يجب أن يتبعهم بإحسان لكي يكون له رضوان الله عز وجل فلست لا مهاجريا ولا أنصاريا ماذا بقي لنا الاتباع بإحسان لكي نحظى برضوان الله سبحانه وتعالى Et regarde, médite frère en Allah, Azza wa Jalla, ce verset. Médite-le comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux ainsi. Il a fait qu'il les a agréés et eux, ils ont agréé ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Les premiers parmi les immigrants qui ont quitté la Mecque vers Médine et leurs alliés à Médine, Ansar, hein, et ceux qui les suivent à la perfection. Qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Eux, ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Mais sache une chose, disent les hommes de science, que les premiers qui sont les immigrés, hein, de la Mecque vers Médine et leurs alliés à Médine, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, il a agréé, et eux, ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve sans condition. Ceux qui sont venus après eux, ils ont une condition à accomplir, les suivre à la perfection. Les suivre, وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ Les suivre à la perfection. C'est là où il y a l'agrément d'Allah Azza wa Jal. هذا, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre verset, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره هذا الذي خرج عن طريق صحابة رسول الله سيوليه الله سبحانه وتعالى من تولى ومصيره إلى النار Et médite aussi ce verset et ceux qui prennent un autre chemin que le chemin du prophète عليه الصلاة والسلام après avoir connu la guidée après avoir eu la preuve et ils prennent un autre chemin que le chemin des croyants ici le chemin du croyant il s'agit du chemin des compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام C'est eux les compagnons, c'est eux les croyants quand le verset est descendu. C'est eux qui étaient là. Personne n'était là. Eux, ils étaient là. Ce qui veut dire que celui qui prend un autre chemin que leur chemin, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'alliance avec ceux avec lesquels il s'est allié dans ce bas monde, et sa demeure sera l'enfer. Les versets sont nombreux. Et écoute cette parole. وَاسْمَعْ قَوْلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ يقول أبو عبد الرحمن رحمه رضي الله تعالى عنه وارضاه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعته برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن أي ما رأاه الصحابة حسن فهو حسن وما رأوه سيئا ما رأى الصحابة سيئا فهو عند الله سيء ابن مسعود de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé le cœur de ses serviteurs Il a vu que le cœur de Mohammed alayhi salatu wasallam était le plus noble et le plus pur des cœurs parmi les cœurs des serviteurs. Il l'a élu pour lui, il l'a choisi pour ce message. Et il l'a envoyé avec ce message. Et après, il a regardé dans le cœur des autres serviteurs, du reste. Hein? Après Mohammed alayhi salatu wasallam, il a vu que les cœurs des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasallam étaient les plus dévoués et les meilleurs des cœurs. Et les plus dévoués pour Allah, Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils soient les vizirs de son messager, alayhi salatu wa salam. Ils ont combattu pour sa religion. Hein? Est-ce que ses compagnons ont vu bon? Il est bon. Est-ce qu'ils ont vu mauvais? Il est mauvais chez Allah. Azzawajal. Est-ce qu'ils ont vu bon? Il est bon chez Allah. Est-ce qu'ils ont vu comme mauvais? Ben, il est mauvais chez Allah. Azzawajal. Ridwanullah alayhim. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تأمل هذا أخ الإسلام. إمام الطحاوي رحمة الله عليه دو عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الطحاوية il dit nous aimons les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام et nous négligeons l'amour d'aucun d'eux. On les aime tous et on désavoue aucun compagnon de Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et nous détestons ceux qui les détestent. On déteste ceux qui les détestent. Et on déteste ceux qui les évoquent avec du mal et qui parlent mal d'eux. On les déteste. Et chaque fois qu'on parle d'eux, on ne doit parler d'eux que du bien. Car le fait de les aimer, c'est la religion. Et c'est la foi et c'est la bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est la mécréance et l'hypocrisie et le fait de dépasser ses limites. Ta'ammal hada akh al-islam. Médite-le bien quand tu rencontres ces rawafid akhzahumullah, hein, qui parlent mal du compagnon de Mohammed alayhi salatu wassalam. Fa min al-umur allati tujibu alayna tubayyin lana afdaliyat sahabat rasulillah ba'da ma dhakarnahu fi al-usbu' al-madi. الأمر أمر مهم وهو استجابتهم لله ورسوله وشجاعتهم وتضحيتهم وعطاؤهم. Et parmi les points qui te montrent les vertus de ces nobles compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, c'est la rapidité avec laquelle ils ont répondu à Allah et à son messager عليه الصلاة والسلام. Et leur courage et leur bravure et leur sacrifice et ce qu'ils ont donné pour cette religion. Et pour faire triompher cette religion. Fasma' عندما استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في غزوة بدر لما لاقوا العدو على غير ميعاد وغير استعداد فقال لهم عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. Écoutez maintenant leur bravure et leur sacrifice et la rapidité à répondre au prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à poser des questions à ses compagnons lors, avant le commencement de la bataille de Badr, quand ils se sont retrouvés face à face avec l'ennemi sans rendez-vous, il leur a dit, donnez-moi votre avis, ô gens, donnez-moi votre avis. Abu Bakr Siddiq s'est levé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans ceux qui le détestent et qui l'insultent. Et il a parlé, et il a bien parlé. Et après lui s'est levé le deuxième cheikh de cette communauté, le deuxième khalif de cette communauté qui est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu wa arda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans les veines des rawafid qui l'insultent. Et il a dit, il n'a dit que du bien, Ridwanullah alayhi. Après le Miqdad, Ibn Amr s'est levé. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, va. Voilà ce que t'a montré ton Seigneur, ou là ce que t'a ordonné Allah Azza wa Jal. Vas-y, nous sommes avec toi. Par Allah, nous n'allons pas te dire, comme on dit Banu Israël à Moussa, va toi et ton Seigneur combattre. Et nous allons rester là. Par Allah, nous te disons, vas-y, toi et ton Seigneur, combattez, et nous sommes avec vous. Et nous sommes avec vous, ils ont des ridwanullah alayhim. Il dit, par Allah qui t'a envoyé avec la vérité, si tu traverses les mers, hein, ou lointaines, nous allons faire des efforts pour arriver avec toi, et pour y aller, là où tu veux, nous te suivrons. Ainsi, ils ont répondu à cet appel de Mohammed alayhi salatu wa sallam. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. Quand il a entendu cette parole du Miqdad, Rasoul صلى الله عليه وسلم l'a dit du bien à Miqdad. Il lui a fait un dua. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أن أيها الناس وكان يريد الأنصار رضوان الله عليهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه والله لا كأنك تريدنا يا رسول الله قال أجل. Après Rasoul صلى الله عليه وسلم est revenu à la charge, il a dit aux gens, donnez-moi votre avis. Comme s'il voulait Ridwanullah salawatu wa salam alayhi que l'Ansar, les alliés de Médine, donnent leur avis. Parce qu'ils n'ont pas fait l'allégeance avec Rasoul صلى الله عليه وسلم de combattre en dehors de Médine. Donc Rasoul صلى الله عليه وسلم voulait avoir leur avis. Quand ils lui ont fait l'alliance de le défendre à l'intérieur de Médine. Et maintenant, il se retrouve à Badr, en dehors de Médine. Et là, Rasoul صلى الله عليه وسلم, quand il a dit, oh gens, donnez-moi, hein, donnez-moi votre avis, il voulait directement l'Ansar. Et quand il a dit ça, Saad ibn Mu'ad, qui est un Ansari, il a dit, par Allah, peut-être que tu t'adresses à nous et à Rasoul Allah. Il a dit, certes, oui, je m'adresse à vous. قال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ثم قال صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. Et Saad a répondu au prophète عليه الصلاة والسلام. Il lui a dit, nous avons cru en toi et nous t'avons pris comme véridique ce que tu nous as ramené et tu es pour nous véridique. Et nous attestons que ce que tu as ramené, c'est la vérité. Et nous t'avons donné une allégeance pour ça. Et des pactes pour t'obéir. Et pour t'écouter. Fais ce que tu veux. Vas-y, avance, là où tu veux. Nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé, dans le serment par Allah Azza wa Jal, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu traverses la mer, nous allons la traverser derrière toi. Aucun de nous ne sera absent. On sera derrière toi tous. Et ne détestons pas que demain tu rencontres les ennemis. Il n'y a aucun problème pour nous. On n'a aucune gêne là-dessus. Aucune opposition. Nous sommes patients et endurants en guerre. Et nous sommes véridiques au moment de la rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala te fera montrer de quelque chose qui va te plaire en nous au moment de la rencontre de l'ennemi. Avance par la bénédiction d'Allah azza wa jal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était réjoui de cette réponse de Saad ibn Mu'ad radiallahu anhu wa arda. Ça lui a donné encore plus de volonté, plus de... ça l'a encouragé encore plus. Et il a dit, alayhi salatu wa salam, avancez et vous avez la bonne nouvelle. Vous avez Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis l'une de deux choses. Et comme si je vois donc les têtes d'Yal Quraysh, chacun à sa place. C'est-à-dire le cadavre de chacun, des têtes de Quraysh, je les vois à leur place. Et ça a été comme il a dit, alayhi salatu wa salam. Regardez, oulaïka rijalun sadiqun. كما وصفهم رب العزة اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل هذا الدين بعد نبيه فوالله لقد أدوا الأمانة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام وفتحوا قلوب العباد قبل فتح بلادهم وجئنا نحن من بعدهم فضيعنا العباد والبلاد وإنا لله وإنا إليه راجعون. Par Allah, ces nobles hommes et ces compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, rahmukallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner Muhammad alayhi salatu salam et pour se charger de ce fardeau et de cette religion et la transmettre après le messager alayhi salatu salam, par Allah, ils ont accompli leur devoir comme il se doit. Ils ont ouvert les cœurs des gens, conquis les cœurs des gens avant la conquête des pays. Ils nous sont arrivés après eux et nous avons négligé et les gens et les pays. Nous avons tout lapidé, les gens et les pays. À Allah subhanahu wa ta'ala nous appartenons et à Allah nous revenons. Fahaka تضحيتهم في الإنفاق في سبيل الله فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يأتي بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك فيقول عمر مثله يا رسول الله وهذا أبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فيقول أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله رضي الله عنك يا أبا بكر فهذه التضحية لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من هؤلاء الأبرار أين نحن من هؤلاء الأبرار أيعقلوا أن نكون جماعة من السلفين في منطقة ولا مسجد لنا ولا مركز لنا أهان علينا هذا المنهج إلى هذا القدر وسي maintenant leur dépense sur le sentier d'Allah Azza wa Jal وسي عمر الفاروق de cette communauté l'homme qui passait dans un chemin quand il traverse un chemin Shaitan il ne passe pas dans ce chemin. Un jour, il arrive, il ramène la moitié de sa fortune, il la pose devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, j'ai laissé la moitié à Rasoul Allah. Et voici maintenant Abu Bakr qui arrive, qui ramène la fortune, il la pose devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour les tiens? Il a dit, j'ai rien laissé. J'ai laissé pour Allah et son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est les exemples du sacrifice pour la religion d'Allah Azza wa Jal, pour faire triompher cette religion et pour faire triompher la da'wah de Muhammad alayhi sallatu wassalam. Où sommes-nous de ces nobles compagnons de Muhammad alayhi sallatu wassalam que nous devons suivre? Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce que vraiment qu'on soit un nombre de salafis un petit peu partout et que nous n'avons pas de mosquée? Ou n'avons pas de centre? Pas de librairie? Rien? Subhanallah. Rien que ça, nous n'y sommes pas encore arrivés. Où est-ce Qu'est-ce que nous faisons pour cette religion d'Allah Azzawajal? Qu'est-ce que nous donnons pour cette religion d'Allah Azzawajal? Où sont nos sacrifices vis-à-vis de cette religion? Hein? وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يردد ذلك مرارا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم رضوان الله عليهم ذي النورين ويأتيك أقزام آخر الزمان ويأتيك قزم من أقزام المثقفين فيسب عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ويطعن في خلافته والطعن فيه أولى. Et voici Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il est venu al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec 1000 dinars. Hein? Dans son tissu, il portait 1000 dinars pour faire le pactage de l'armée d'Al-Usra, la période difficile. Et il a pris cet argent, il l'a jeté dans le juron du prophète alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tourné cette fortune, il tourne ses sous, et il dit, rien ne fera de mal à Ibn Affan à partir d'aujourd'hui. Rien. Hein? Peu importe ce que fera Uthman Ibn Affan, il ne lui arrivera pas de mal. Hein? C'est une annonce de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à ce noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Qui est de Nourain, qui était marié avec les deux filles du prophète. Les anges, ils étaient pudiques devant Uthman ibn Affan. Il arrive maintenant les têtes délétéraires du monde moderne, qui n'arrivent pas à la cheville ni à la poussière qui est descendue de Uthman ibn Affan, et ils l'insultent. Et ils disent que sa khilafa, c'est une faille entre la khilafa d'Abu Bakr Siddiq, de Omar et de Ali. L'ayadan billah. Alors que la critique, c'est à eux. C'est eux qui méritent cette critique. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la religion d'Allah Azzawajal? Et ce noble homme, ce noble compagnon, deux filles du prophète alayhi salatu wassalam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a attesté comme quoi il allait mourir comme martyr. Alayhi salatu wassalam, sur la montagne de Uhud, dit Uhud, Uhud tremble, bouge. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le frappe avec son pug. Calme-toi, Uhud. Sur ton dos, qu'il n'y a qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Un prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam. Un véridique, Abu Bakr. Deux martyrs, Omar wa Uthman, radiyallahu anhu ma'ardahum. Thumma ya'ti fi al-qarni al-ishrin, man yasubbu ha'ulai, qatalahumullahu anna yu'fakun. Akhzahumullah. وجمد الدماء في عروقهم. Il arrive maintenant au 20e siècle des gens qui insultent ces nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie comme il le mérite. وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاسمع أخ الإسلام كيف كانوا يسمعون الآية ويطبقونها. أين نحن من هؤلاء؟ تمر علينا آيات الربا وتجد أنفسنا غامسين فيه. تمر علينا آيات غض البصر وتجدنا هكذا في الشوارع في النساء. الله المستعان. وتمر علينا آيات وآيات ولا نبالي ولا نمتثل. فانظر كيف يمتثلون ويعملون بما يسمعونه. عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها لصدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل فضع يا رسول الله حيث أراك الله. وهذه رواية عند الإمام البخاري والإمام مسلم. Maintenant, frères en Allah Azza wa Jal, comment ces nobles compagnons mettent en application les versets qu'ils entendent tout de suite de leur messager alayhi salatu wassalam. Voici une version de l'imam Bukhari d'Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu wa arda. Quand il a entendu ce verset, vous n'allez pas atteindre la piété et la dévotion jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. Regarde comment il va le mettre en application. Et regarde, nous dans notre monde maintenant, on lit les versets d'Yarriba, on est encore plongé dedans. On est les versets qui nous interdisent de, hein, qui nous ordonnent d'être chaste au niveau de son regard. Là, nos regards, ils sont l'âme sur tout ce qui bouge. Hein? Et maintes versets qui nous interdit certaines choses, wallo, de mettre en application certaines choses, rien ne bouge. Regarde les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourquoi ils ont reçu l'éloge min Allah azza wa jal. Abu Talha s'est levé devant le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ya Rasul Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous n'allez pas atteindre la piété et la dévotion jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Ce que j'aime le plus dans ma fortune, c'est la ferme. Ha, Beiru Ha, le puits de Ha, c'est-à-dire la ferme qu'il y a autour de ce puits. Et si tu ne sadaqa pour Allah, je veux avec être dévoué pour Allah et je veux trouver la récompense chez Allah Azza wa Jal, ya Rasul Allah, mets-la là où tu veux. Avance, Najib, zid. Mets-la où tu veux, ya Rasul Allah. Ma grande fortune, c'est la ferme de Ha. C'est pour Allah. Ya Rasul Allah, mets là où tu veux. Ainsi, ils étaient avec les versets. Ridwanullah alayhi. Wa hadha Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. عندما تاب الله عليه ذهب فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. بهذا تعريف أخ الإسلام أن صحابة رسول الله رضوان الله قمة في كل شيء. نحن الآن منا من يمنع الزكاة, منا من يكول مال اليتيم, هم كانوا ينفقون مما يحبون وجعلوا كل شيء عندهم في سبيل الله ولنصرة دين الله عز وجل فأين نحن منهم. Voici maintenant Ka'b ibn Malik qui va nous donner encore une autre claque et un exemple à suivre. Compte Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Il est allé, il s'est assis devant le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Rasulallah, puisque il est pour moi très important qu'après que mon repentir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné, que je laisse toute ma fortune comme aumône pour Allah et pour son messager. Que je laisse toute ma fortune pour Allah et pour son messager. Partant de là, on sait la valeur de ces nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'ils sont le summum de toutes choses. Personne ne peut leur égaler dans l'humanité et dans la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Personne ne peut leur égaler dans tout, dans leur sacrifice, dans leur amour qu'ils avaient pour le prophète alayhi salatu wassalam, dans la rapidité de répondre à l'appel d'Allah et de son messager, dans leur sacrifice, dans leurs dépenses, dans tout. Ils ont tout mis au service de cette religion. Ils ont tout mis pour faire triompher cette religion. Nous, maintenant, parmi nous, il y a des gens qui ne donnent pas zakat. zakat, ce qui est obligatoire, il ne la donne pas. Il laisse le reste. فانظر حالا الآن فمثلا نضرب لك مثال واحد ما استطعنا منذ ثلاث سنوات أن نهيئ لطلبة العلم متخرجين من المدينة وهذا لا يعم فقط شمال فرنسا وإن هذا عام في فرنسا كلها ما استطعنا أن نهيئ لطلبة العلم متخرجين منذ ثلاث سنوات ومنهم أربع سنوات مكانا لكي ننتفع بالعلم الذي تعلمه وما استطعنا أن نيسر لهم راتبا شهريا لكي يتفرغوا للدعوة والتدريس وهذا من المضحك المبكي مع الأسف أين نحن من صحابة رسول الله في تضحيتهم لهذا الدين أين نحن منهم أيعقل أن يتخرج طالب من المدينة ويشتغل في الأسواق أهذا معقول أين نحن Maintenant, regardons la réalité en face. Regardez notre situation maintenant par rapport au sacrifice que nous faisons pour notre religion. Depuis 4 ans maintenant, on a, que ce soit la France entière, pas le Nord. Le Nord, c'est un des exemples, mais la France entière est concernée par ce problème, par cette gangrène. Nous n'avons pas pu préparer un endroit où nous puissions profiter des demandeurs de sciences qui ont été diplômés de Médine. Pas un centre, pas une mosquée. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a même pas pu pouvoir faire que quelque part là, ou par-ci, ou au nord, ou au sud, ou ailleurs, pouvoir débloquer un salaire pour les demandeurs de sciences, pour qu'ils s'occupent que de la da'wa, et enseigner, et avoir un endroit pour le faire. Il y a des choses qui font rigoler, en même temps, ils sont tristes. Ils font pleurer. C'est que de voir certains, de voir se gâcher en face de nous. Toutes ces années d'apprentissage et après, certains de nos frères se trouvent sur les marchés. Parce que justement, nous, on n'est pas là. Pendant qu'ils étaient partis, personne n'a pensé à quoi ? À préparer le centre pour les accueillir. Hein ? Qu'est-ce que nous faisons pour cette religion ? Et des fois, on se fait avoir, on aide cela et cela, après, ils nous jettent à la porte. Nous avons vécu l'expérience à Moucron. On s'est fait foutre dehors par les Ikhwan. Hein? La même expérience s'est répétée à Ouattrolo il n'y a pas longtemps. Et ainsi de suite. Il y a des expériences comme ça. Ils profitent des aides des jeunes à la vie. Et après, ils les foutent dehors. Et après, ils leur mettent des bâtons dans les roues. Naam, akhal Islam. Ana attafiq ma'ak. Anna kullun minna yuridu l'hijra. ولكن هذا لا يمنع هذا ولعن النفقة في سبيل إيجاد مركز أو مسجد أو راتب لطلبة العلم لتفريغهم للدعوة يكون عونا لنا على هذه الهجرة ومما يؤسف له هذا البخل العميق الذي أصبح صفة للإخوان السلفيين إلا من رحم ربك وأذكرك بموقف واحد مرت علينا بعد سنوات نجمع المال لتكوين هذه المكتبة والله ما كنت أتصور أن يأتيني تاجر من الإخوة السلفيين كنا نحسب ولا نزكي على الله أحدا أن يأتيني بواحد أورو نعم إنها صدق ولكن ما كنا ننتظر من تاجر يتاجر أن يأتيك هذا كيف هذا الذي تساوي عندك مكتبة سلفية للإخوة يدرسون فيها وينتفعون بها واحضروا هذه مصيبة وهذا عم والله المستعان لا نقول أنه ليس هناك من الخير في إخوان لنا من الخيرين والطيبين في كل المجالات ولكن هذا مرض لا بد أن نجد له علاجا ولا لابد أن نتذكر كيف نخرج من هذا أنا أبقى دائما عالة على الإخوان وعلى التبليغ وعلى العوام Certains diront mais nous voulons l'hijra Je dis à l'islam, tous nous voulons cette hijra et quitter un pays de mécréants vers un pays de l'islam. Tous nous la voulons. Et on espère que tous, Inch'Allah, on y arrivera. Mais cela n'empêche pas l'autre. Peut-être que ce sacrifice que tu fais là, pour bâtir un centre, ou là, pour que s'ouvre une mosquée, un endroit où se réunissent les frères salafis où ils apprennent, ou un salaire d'un étudiant de science, etc., pour enseigner l'arabe, pour enseigner autre chose et les règles de cette religion, peut-être que ça, ce sacrifice, c'est au monde que tu fais. Cette participation que tu fais de ta part, peut-être il va te faciliter cet hijra, de là où tu ne l'entends pas. Là n'empêche pas l'ordre. Mais ce qu'il y a de regrettable, c'est cet avarisme qu'il y a, malheureusement c'est comme ça, qu'il y a chez nos frères salafis. Sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde. On ne dit pas qu'il n'y a pas le bien. Mais ce qui est monnaie courante, c'est cet avarisme. Dès qu'il s'agit du portefeuille, cette sunna, on ne la connaît pas, on l'oublie. Et je me rappelle qu'une fois, Cheikh Abdullah al-Bukhari, Abdullah ta'ala, devant une assemblée de mashaïr, il leur a dit, cette dawa salafia a besoin de moyens. A besoin d'argent, cette dawa salafia. Comment tu peux avoir un centre? Comment tu peux avoir une mosquée? Comment tu peux avoir une bibliothèque, etc.? Comment? Ça vient du ciel. Et parmi les choses qui sont tristes, il y a quelques années en arrière, on ramassait de l'argent pour constituer cette bibliothèque que vous voyez là-bas. On n'a pas demandé aux étudiants parce qu'on sait que les étudiants, mais on a sensibilisé certains frères qui étaient sur le marché, qui travaillent, qui sont commerçants. Il y a certains qui étaient, mashallah, grâce à eux, vous voyez cette maktaba. Mais il y a d'autres, on ne s'attendait pas de là, on sentait un jour, il vient, il me donne un euro. Un euro. Il est commerçant, il y a akhal islam. Un euro. C'est-à-dire, rien n'est à négliger, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un euro pour quand on sait qu'une maktaba, on va faire une grande maktaba. Est-ce que c'est ce que mérite Dawa Salafia à tes yeux, un euro? Il faut, ikhwat al-islam, qu'on ne soit plus à la traîne des ikhwan, ni à la traîne d'il tibliq, ni à la traîne d'il awam. Hein? Tous utilisent les frères salafis, les jettent dehors. À Moukran, la mosquée s'est construite sur le dos d'il ikhwan salafi, pendant 3 années de fréquentation. Et, pot de banane, tout le monde dort. L'expérience s'est répétée. Awa trolo. Et si on ne réfléchit pas, ben il va se répéter encore plusieurs fois. Et le croyant ne doit pas se faire mordre à chaque fois dans le même trou. Il ne doit pas se faire avoir. Ça y est, il le sent, point. Enfin, rappelez-vous du sacrifice que les compagnons faisaient pour Allah et pour son messager, et pour cette religion. كذلك من الأمور المهمة التضحية وطلب الشهادة في سبيل الله من الأمور التي تبين لك خيرية الصحابة وفضلهم تضحيتهم وطلبهم الشهادة في سبيل الله parmi les points essentiels qui te montrent les vertus et la noblesse et comme quoi ils sont les meilleurs de l'humanité c'est leur sacrifice le fait qu'ils demandent de mourir comme martyrs sur le sentier d'Allah Azza wa Jalla. فهذا عربي عربي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسمه وقسم له فجاء العربي فقال ما هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمته لك قال العربي ما على هذا تبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى هنا وأشار إلى حلقي رضي الله عنه والله بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك إن تصدق الله يصدقك فلبتوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فقد أصابه السهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهوه؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاتي اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وأي شهادة؟ شهادة الذي لا ينطق عن الهوى، شهادة الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. Écoutez maintenant dans le sacrifice, regardez ce bédouin. Bédouin, c'est quelqu'un qui erre avec son troupeau à travers les pâturages. C'est pas un citadin. Ni quelqu'un qui baigne dans le confort comme nous. C'est un bédouin. Donc ça veut dire la dureté de la vie et la pauvreté. Pas les chariots bourrés jusqu'à tomber. On ne sait plus comment ramasser. C'est un bédouin qui est arrivé, qui a cru en le prophète alayhi salatu wassalam, qui a suivi Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand il y a eu une bataille, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a eu un butin. Il a partagé ce butin. Il a fait une part à ce bédouin. Et quand il est arrivé, il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est à Rasoul Allah? Il dit, ça c'est ta part. Bédouin, il l'a regardé, il lui a dit, ya Rasulallah, c'est pas pour ça que je t'ai suivi. Mais je t'ai suivi pour que je combats et que j'ai une flèche ici. Il a montré sa gorge. Et que je meurs et que je rentre au paradis. C'est pour ça que je t'ai suivi. Rasulallah lui a dit, si tu dis vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera ce que tu dis. Si tu es véridique avec Allah, Allah il va te donner ce que tu veux. Ils sont restés un bout de temps, il y a eu le combat, et à un moment donné, on le ramène à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la flèche là où il a fait, où il a montré. La flèche est rentrée là, où il l'a montré à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je t'ai suivi pour qu'une flèche me transperce au niveau de la gorge, et que je meure, que je rentre au paradis. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il a dit, c'est lui-même, c'est lui. Il a dit, c'est lui. Ils ont répondu, c'est lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce témoignage d'honneur. Il était véridique avec Allah, Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, lui a donné ce qu'il voulait. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a enveloppé dans un linceul. Et dans ce que les compagnons ont entendu du dua du prophète alayhi salatu wassalam, écoutez ce dua. De qui? De Muhammad alayhi salatu wassalam. De celui dont le dua est exaucé min Allah, Azza wa Jalla. De celui qui ne parle pas de ses propres passions. Il a dit, allez, ça tu sais, oh Allah, ça c'est ton serviteur, qui est sorti immigrant. Il a été tué comme martyr. Et je suis témoin sur ça. Qui est le témoin? Celui qui ne parle pas de ses propres passions. Mohammed, allez, ça tu sais. Regardez le sacrifice. Regardez cette véracité. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Et regardez ce noble dua de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et cette attestation d'honneur. Qui est au-dessus de toute attestation. وهذا عمير بن الحمام رضي الله عنه يوم بدر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. فأخرج عمير طميرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات إنها لحياة طويلة، فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه دونسكي غابوتي بال إمام مسلم. Le jour de Badr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, levez-vous, allez-y vers un paradis, des jardins dont l'immensité c'est la largeur des cieux de la terre. Omer a dit, bakhin, bakhin. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi tu dis bakhin, bakhin? Il a dit, c'est quelque chose pour, c'est une bonne expression pour exprimer quelque chose que je veux, quelque chose de bien. Il a dit à Rasoul Allah, parce que j'espère être parmi les gens du paradis. Il lui a dit, tu feras partie d'eux. Déjà l'attestation. Direct. Tu es parmi eux. Tu fais partie des gens du paradis. Omar, il avait quelques dattes dans sa poche, il les a sorties, il a commencé à en manger. Une. Et après, il les a regardées, il les a jetées. Il a dit, si je reste jusqu'à manger ces dattes, c'est long, c'est une vie trop longue. Et il les a jetées. Il est sorti sur le sentier du combat et il est mort. Radiallahu ta'ala anhu arda. Et il a eu ce que le prophète alayhi salam lui a dit. Ridwanullah. Ainsi, ils étaient dans leur sacrifice. Regarde la rapidité, comment ils couraient à mettre en application les droits d'Allah, les ordres d'Allah Azza wa Jal, et tout ce que veut d'eux, Muhammad alayhi salam. As-sahabatu al-kiram, hum alamu al-fadila, wa du'atu al-hidayah. الذين حملوا نور الإسلام في أنحاء المعمورة وأنقذوا البشرية من أغلال الوثنية يا عبد الله وأرسوا قواعد الحق والخير والعدل للإنسانية جمعاء نشروا كلمة الله حتى علت في الأرض ورفرف علم الإسلام في الآفاق ولقد بذلوا في سبيل ذلك قصارى جهدهم رضوان الله عليهم سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها الليل والنهار دون ملل أو كلل بل كانوا كما أخبر الله عنهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا لم يميلوا إلى دعة ولا أخلدوا إلى راحة لم تغرهم الحياة الدنيا بزخارفها ضحوا بكل غال ورخيص لكي يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فرعون الله عز وجل les nobles compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام sont les emblèmes des vertus. Toute vertu, c'est eux leur emblème. Ce sont les guides vers la droiture et vers le bien, vers le chemin qui ramène vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ils ont transporté la lumière de l'islam à travers la planète connue à leur époque. Ils ont sauvé l'humanité des chaînes du paganisme et de l'associationnisme et des ténèbres de l'ignorance. Ils ont ancré les règles de la vérité et du bien et de la justice et de l'humanisme dans toute l'humanité connu à cette époque. Ils ont propagé la parole d'Allah Azza wa Jal. Cette parole est devenue haute dans le ciel, partout. Et l'étendard de l'islam, à leur époque, il bougeait dans tous les sens. Le vent à travers la planète, connu à cette époque, l'étendard de l'islam était haut. Ils ont mis tout ce qu'il y avait dans leurs moyens et toutes leurs possibilités et tous leurs efforts. Ils ont veillé nuit et jour à propager, sans se lasser, sans se fatiguer. Ils étaient comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans Surat Al-Imran, verset 146. La faiblesse ne les a pas atteints pour ce qui leur est arrivé sur le sentier de Allah Azza wa Jal. Et ils n'ont pas faibli, ils ne se sont pas, ils ne sont pas restés vers le confort, ils n'ont pas penché vers leur confort et vers le bien-être. Donc ils ne se sont pas penchés sur au confort, ni vers le bien-être. Ce bas monde, ils n'étaient pas pris par ce bas monde. Et l'embellissement de ce bas monde, à leurs yeux, c'était rien du tout. Ils ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher. Le cher et le moins cher, ils l'ont sacrifié. Pour sortir les serviteurs d'Allah Azza wa Jal de l'adoration des serviteurs vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Pour sortir les humains du fait d'être asservis par des hommes au fait d'être serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ils l'ont fait comme il se doit, ridwanullah alayhi. Wal amr rabi' alladhi yujib alayna an nu'akkida wa nata'allama fadha'ila ulaikum al-khiyar wa an na'kufa ala hayatihim أن هناك الآن من حولنا من فرق الضلال كالشيعة الشنيعة والخوارج وغيرهم ممن يقع في الصحب الكرام رضوان الله عليهم بالسب والشتم والتكفير ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قاتلهم الله أن يؤفكون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. L'un des points essentiels qui doit nous pousser à jeter un regard sur les vertus de ces nobles compagnons et à lire leur vie et à se pencher sur leur vie et à prendre les leçons dans leur vie, c'est que maintenant autour de nous il y a des groupes de l'égarement comme ces extrémistes d'Yel Shia, Khzahumullah et certains Khawarij et certaines tendances d'Yel Khawarij qui insultent les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui les rendent mécréants. Et ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal en insultant les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Le fait de les insulter pour eux, c'est un acte d'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les combat pour le mensonge qu'ils émettent. Hein, et qu'ils grondent mensonge sort de leur bouche quand ils parlent au mal des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. والأذهى والأمر من هذا كله أن السدج من أهل السنة والعوام انخدعوا بالرافضة وانخدعوا بحزب اللات الذي هو حزب الرافضة ويصفقون ويطبلون لهم ويعتزون بهم لوقوفهم المزعوم ضد اليهود ولدعواهم الكاذبة للتقارب بين أهل السنة والشيعة. والحقيقة أن القوم يمارسون التقية لأنها دينهم ويخفون وراءها وجههم القبيح وعداءهم للسنة ولأهلها ومكرهم لها ومحاولة النكاية بأهل السنة وبالسنة. فاقرأوا تاريخكم بارك الله فيكم، وهذا تاريخ الدولة الخبيثة العبيدية، اقرأوه لكي تقفوا على بشاعة الرفض وعلى ما عملوا في أهل السنة. وتذكروا من أدخل التتار إلى بلاد المسلمين، هم الرافضة أخزاهم الله، فتاريخهم مليء بالحقد على هذه الأمة على أهل السنة. Ce qu'il y a de amer, c'est que les naïfs parmi les gens de la Sunna et le commun des gens de la Sunna se font avoir par Rafida maintenant. Ils se font avoir par Hizbullah, qui est un Hizb d'Yal Rawafid. C'est la représentation d'Yal Rafida d'Yal Iran ou Liban. Ce n'est que la continuité. Sa mère nourricière, il est là-bas, à Téhéran. Et à Hizbullah, le commun et les naïfs applaudissent Hizbullah dans sa prétendue guerre avec les juifs. Nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala anéantisse les injustes par les injustes. Hein? Et certains disent, ouais, mais ils veulent se rapprocher des gens de la Sunna, que Shia veulent se rapprocher des gens de la Sunna. Ça, en réalité, il n'y a aucun rapprochement à l'islam. Il ne peut pas y avoir de rapprochement. Et c'est des menteurs de première classe. La taqiyya, c'est un dogme chez eux. Taqiyya, le fait de montrer le faux et de cacher le vrai, ça, c'est une réalité chez eux. Et c'est une taqiyya et qui est une ruse contre les gens de la Sunna. Et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, ils n'ont d'autres ennemis. Les juifs ne sont pas leurs ennemis. Leur plus grand ennemi, c'est les gens de la Sunna. Et à chaque coin de rue, ils les égorgent. Les événements de Hamas, les événements dans les camps palestiniens avec Amal, on a vu ce que ça fait à Sabra et Chatila. Comment les Palestiniens se sont fait égorger par Haoula et Rawafid. Hein? Ce qui se passe en Irak, sur les mains d'Yar Rafida, la même chose. On doit relire notre histoire, frère, en Allah Azza wa Jal. Tu dois te pencher. Prends un état, tel état d'Yel Ubaydiyin. Ces impurs, ces batiniya. Prends-le, lis-le. Parce qu'il te concerne. Il a démarré en Afrique du Nord. Hein? Lis-le. Tu vas voir l'horreur qu'ils ont fait vivre aux hommes de la Sunna et à la Sunna. Et comment ils obligeaient les gens. Tu arrives, toi, en tant que sunni, pour rentrer dans la mosquée, et tout d'un coup, comme forme de croix, on te met le cadavre d'un chat ou d'un chien, et on te dit « insulte Uthman ah, si tu veux rentrer à la mosquée. » Ou « l'insulte Abu Bakr si tu veux rentrer à la mosquée. » Ainsi ils étaient. Si tu ne connais pas ton histoire, frère, Allah, tu dois te pencher sur ton histoire pour ne pas que tu ne te fasses pas avoir. Ce sont des grands ennemis. Qui a fait rentrer les Tatars dans le pays de l'islam? Sinon, Rafid Akhzahumullah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فليتأمل كل عاقل ما يجري في زمنه وما هو قريب من زمنه فانظر ماذا يجري الآن أمامك ماذا يفعله الله في الله وما هو قريب من زمنه من الفتن والشرور التي تحيط بالمسلمين يجد أكثرها من الروافض رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية كان أعرف الناس بهم وبمكرهم وبكيدهم وقال علامة الهند الشيخ الدهلوي رحمه الله تعالى في التحفة بأن لهم وسائل من المكر والكيد لا تدري اليهود بعشرها وقال عنهم علامة العراق الآلوسي رحمه الله تعالى بأن لهم وسائل في المكر والكيد والتآمر لا تصل الشياطين إلى خبثها هكذا تكلم أئمة الدين عن هؤلاء وجاء في مجلة المنار أن تاريخ الشيعة مع أهل السنة يؤيده تاريخ حافل بالغدر والخيانة وممالأة الأعداء وأنت ترى ما يحدث في العراق لأهل السنة وما حدث للفلسطينيين في الثمانينات في صبرا وشتيلة من أمل التي هي الأم لحزب اللات فاقرأ تاريخك إن لم تكن تعرفه دونك Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, nous dit, médite. Tout un chacun qui doué de raison doit méditer sur les situations qui se passent à son époque ou là qui est proche de son époque. Car toutes les fitaines, toutes les catastrophes, tout le mal qui a entouré les musulmans, il trouve, dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'au rawafid sont l'origine. Rawafid, c'est eux l'origine de ce mal. Et il les connaît très fort. Hein? Il leur a réfuté sur plusieurs tomes. Il connaît leur manigance, leur ruse. L'imminence de la science de l'Inde, Dahlawi Rahimahullah, dans son livre Tuhfa, il dit qu'ils ont certains moyens au niveau de la manigance et de la ruse. Les juifs ne connaissent pas le dixième de ce qu'ils font et de ce qu'ils connaissent. C'est les imams de la communauté. Imam Al-Alusi, rahmatullahi alayh, le savant de l'Irak, dit ils ont des moyens au niveau de la ruse et de la manigance et du complotage. Shayatin n'arrive pas à l'impureté de ce qu'ils utilisent comme ruse et comme manigance contre les gens de la Sunna. Hada, ce sont Rafida Akhal Islam. Il est rapporté dans Majlat al-Manar l'histoire des chiites avec les gens de la Sunna. Il est couverte par la ruse, par la traîtresse, par la trahison de la part des gens de la Sunna, hein, de la part des gens du Shia vis-à-vis des gens de la Sunna, hein, et par aussi de faire tourner les ennemis d'Allah Azza wa Jal contre eux. Les gens de la Sunna. Et faire triompher les ennemis d'Allah Azza wa Jal contre les gens de la Sunna. Et regarde ce qui se passe. le malheur qui arrive à nos frères de la Sunna en Irak et au Liban, hein, et ce qui est arrivé à nos frères en Palestine dans les années 80, ce qui est arrivé dans le camp de Sabra et Shatila, Amal, qui est la mère nourricière, qui est l'origine du Hezbollah, il était derrière tout ça. Si tu ne connais pas, lis ton histoire contemporaine pour savoir. Lis l'histoire d'Amal. Et je te conseille un livre qui est apparu juste après les événements du Liban qui s'appelle « Hal ta'arifu Hezbollah ?» Tu dois le lire pour savoir l'histoire noire de Amal et des enfants qu'il a fait, des bâtards qu'il a fait, des rafidans. وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر وقد يستغرب البعض كيف يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم et comment il parle de l'honneur de Mohammed عليه الصلاة والسلام et de l'intimité de Mohammed عليه الصلاة والسلام يروون عن علي رضي الله عنه أنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له خادم غيري وكان له لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره لحاف واحد والرسول بالوسط وعن يمينه علي وعن يساره عائشة يقول فإذا قام لصلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا أي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويترك عليا وعائشة في فراش واحد وفي لحاف واحد وهذا في بحار الأنوار يسمونه لنعمة الجزائر ولكن لنقمة الجزائر هذا من الصفحة الرابعة 40 نعمة في بحار الأنوار رقم 40 صفحة 2 وقادي منتنو كومو الدينيغا Le nord de Mohammed alayhi salatu wa salam. Dans Al-Bihar Al-Anwar, il dit, il rapporte de Ali, que Ali leur a dit, j'ai voyagé une fois avec le prophète alayhi salatu wa salam, il y avait quelques personnes à son service que moi. Et il n'avait qu'un seul, un seul drap. Et le soir, on s'endormait tous les trois. Il y avait Aïcha avec le prophète, Aïcha et Ali. Il a dit le soir, on s'endormait tous les trois, on se couvrait avec le même drap. Mohammed alayhi salatu salam au milieu, à sa gauche Aïssa et à sa droite Ali. Et quand il dit, écoute, c'est maintenant là. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se lève pour la prière de nuit, il pose le drap entre les deux. Comme séparation aux amas. Les amas, ils essayent de minimiser, mais ça c'est du ta'an directement. Dans le nord de Mohammed alayhi salatu salam. Et ils disent que Mohammed alayhi salatu salam laisse Aïcha et Ali couchés dans le même endroit. Il n'y a qu'un bout d'eux de tissu qui les sépare. A'oudou billah. Ceci est rapporté dans Bihar al-Anwar. C'est leur livre, c'est leur référence. Tout ce que tu vas entendre, parce que c'est dans les plus grandes de leurs références. Wa yurwa fil kafi. وهذا أكبرهم هذا عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة ولكن شتان بين صحيح البخاري والكافي له الذي هو من رواية الحمير ها il rapporte dans le kafi qui est pour eux l'authentique ديال البخاري chez eux mais il y a une grande différence entre صحيح البخاري et الكافي الكافي il y a des chaînes de transmission des ânes L'âne rapporte de l'âne. Il dit إذا أنه إذا وجد رجل رجل مع امرأة في لحاف واحد جلد حد الزنا ثم يروون عن علي وعائشة أنهما كان في فراش واحد في لحاف واحد تحت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله كيف هذا ماذا تريدون بهذا هذا الكذب وهذا الافتراء Dans le kafi, ils disent, la sentence, quand on trouve un homme et une femme sur le même drap, il faut les coups de fouet. le coup de fouet de ceux qui ont commis l'adultère. Et pourquoi vous rapportez cette histoire de Ali et d'Aïcha? Pourquoi vous inventez ce mensonge sur Ali et Aïcha radiallahu ta'ala anhu arda, comme quoi ils sont dans le même, sur le même lihaf, sur le même drap? Qu'est-ce que vous voulez là? Aux yeux de Mohammed alayhi salatu wassalam. Regardez ce ta'an de Mohammed alayhi salatu wassalam, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Fa سلسلة الحمير أنا سأقرأ عليكم روى الكليني في الكافي عن علي بن أبي طالب أن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عفيرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي انظر الإسناد الآن إن أبي حمار آخر حدثني عن أبيه عن جده حمار على حمار عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كنفه ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم ويقول الحمار عفير هذا الحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار هذا دين يا إخوة سند كله بالحمير نحن ما نعرف أعلى السند عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضوان الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر السند انظر عند من لا عقل له ما هو السند الحمير حتى تعرف أبلد خلق الله يقول أهل العلم أبلد خلق الله على وجه الأرض هم الرافضة الكليني دون الكافي كيلو غوند ريفيرونس الكافي ها يرابورت دو علي بن أبي طالب كلان دو محمد عليه الصلاة والسلام qui s'appelait Afir, a parlé à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Hein? On donne maintenant la chaîne de transmission. Mon père m'a dit, il le rapporte de son père, de son grand-père, de son père, une chaîne de Hmir, d'âne, de Brico. Son père qui était avec nous dans le bateau, dans l'arche, Nuh s'est levé, lui a dit, s'est levé, il a passé la main sur son dos. Il lui a dit, il va sortir de la famille de celui-là, un âne qui va être monté par le plus noble des messagers, alayhi sallatu wassalam. Et l'âne, il dit, alhamdoulilah, louange à Allah, azza wa jal, qu'il a fait que je sois cet âne. Le rigolade, c'est pas pour l'âne, c'est pour ceux qui transmettent la chaîne de transmission d'Adananan, notre âne. Et nous avons dans notre islam et dans notre sunna la plus haute, la chaîne d'or directement à Mohammed alayhi sallatu wassalam. Malik ibn Anas, de Nafi', le serviteur d'Abdullah ibn Omar, de Mohammed alayhi sallatu wassalam. Regarde la chaîne d'or. Malik, Nafi', Abdullah ibn Omar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va qu'on parle avec la chaîne d'âne. Hein? En kadalik, yakoulou nabil bada. A ta'arif mal bada ya akhal islam. Apparaître. Il apparaît. Min al ashiya la khatira. Fi mu'taqad shi'a al qawlu bil bada. Wal bada huwa an yabdou lillahi ta'ala. Shay'un lam yakun aliman bihi. Wa inna hadihi min haqa'id il yahoud ya akhal islam. Bada, l'un des plus dangers dans les croyances d'Yel Rafida, c'est le fait d'Yel Bada, c'est l'aqida d'Yel Bada. Le Bada, c'est qu'ils disent qu'il apparaît à Allah, Azzawajal, quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc il annule la chose qu'il a déjà décrétée pour la chose qu'il vient de lui apparaître. Et ça, c'est les croyances juives. Ça fait partie des croyances des juifs à l'islam. Quand le Seyyid Tosi, في تعليقي على تفسير القمي وقال شيخنا الطوسي في العدة عندهم شيوخ راه الضلال عنده الشيوخ ديالو لا تنسى وعنده أئمة الضلال وأما البداءة فحقيقته في اللغة الظهور كما يقال بدا لنا سور المدينة وقد يستعمل في العلم بشيء بعد أن لم يكن حاصلا وهذا في تفسير القمي في الجزء الأول صفحة 39 عندهم تفاسير كذلك يا خالي الإسلام سيد الطوسي كما يلديز دون سون كومونتير دون سون تفسير زعما ils ont du machaïr, ils ont les imams de l'église. L'égarement à ces imams. Et ils sont nombreux. Elle dit, notre cheikh Tosi, dans l'Udda, dans son livre, elle dit, le bada'a, en réalité, en langue arabe, ça veut dire apparaître. Comme on dit, il nous apparaît la muraille de la ville. La muraille de la ville nous apparaît. Et on l'utilise dans la science pour désigner quelque chose qui n'est pas arrivé. وروى الكليني في الكافي عن زرارة عن جعفر بن محمد الذي هو الصادق أنه قال ما عبد الله بشيء مثل البذاء أعوذ بالله. Donc الكليني dans le Kafi, la plus grande référence chiite, il rapporte de Zurara, de Ja'far ibn Muhammad الذي هو qui est le véridique parmi leurs imams, il dit la plus grande des choses avec laquelle on a adoré Allah Azza wa Jalla, c'est le bada. Ils attribuent à Allah l'ignorance. Comme quoi, il ne sait pas ce qui se passe dans son univers. ومما لا شك فيه أن الشيعة غلوا في أئمتهم غلوا شديدا حتى رأوا أن علي رضي الله عنه رووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال والله لقد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما وكنت مع نوح في السفينة وأنجيته من الغرق وكنت مع موسى فعلمته التوراة وكنت مع عيسى فأنطقته في المهد وعلمته الإنجيل وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح هذه في الأنوار النعمانية الأنوار النقمانية مش النعمانية نقمة مش النعمة il y a aucun doute que les Shia sont allés aux extrêmes au niveau de leurs imams. Il rapporte de Ali, c'est du mensonge. Il dit par Allah j'étais avec Ibrahim dans le feu, c'est moi qui ai dit au feu d'être qui a rendu froid le feu pour Ibrahim. Et j'étais avec Nuh sur l'arche. Et c'est moi qui l'ai sauvé du fait d'être englouti par l'eau. Et j'étais avec Moïse et c'est moi qui lui ai appris la Torah. A'oudou billah. Et j'étais avec Isa. Et c'est moi qui l'ai fait parler dans le ventre de sa mère, quand il était petit, dans les mains de sa mère. Et je lui ai appris l'évangile. Et j'étais avec Youssouf dans le puits. Et c'est moi qui l'ai sauvé des manigances de ses frères. Et j'étais avec Suleyman. Sur contre le transport le djinn et c'est moi qui ai mis à son service le vent. Vous croyez à ça, tout le monde? Vous êtes des histoires pour faire les enfants, mais sans mentir sur Ali et sans rater. Audubillah, c'est quoi ça? Walt Disney. وروى الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد أنه قال عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة الله أكبر إوا شطبوا على إسرائيل حيدوها من الكاريطة إلى عندكم قاعد العلم هذا زفوا عليها محيوها الكليني دو دير دون الكافي دو جعفر بن محمد كيلا دي نو زافون لا سيونس دو سكي ايتي دو سكي فا اتر جوسكا لا فان دي تون بس سي كوم سا Rasé, hein? Celle que vous prétendez combattre, rasez-la un peu. Montrez-nous ce que vous avez dans les tripes. Ça y a rien. Dima'u al-sunna wa amwaluhum halalun ala al-shi'a al-islam. Anta halal wa ana halal alayhim. Walakinnahum yantadirun al-fursa. Tadhakkar hadha. Le sang des gens de la sunna et leur fortune. Il est halal pour Shia, mais ils attendent la bonne occasion. Mais il y a beaucoup d'occasions où ils l'ont prouvé. La Palestine, l'Irak, ils l'ont déjà prouvé. Au Liban, ils l'ont déjà prouvé. Wa khayru mithalin ala dhalik ma qara ma sutira fi kutub at-tarikh an Nusayr Tusi wa kadhalik ibn al-Alqami. Ta'rif man huwa Nusayr Tusi wal Alqami? Haula alladhina adkhalu al-atraka ala al-tatar ala al-muslimin. Et le meilleur des exemples, c'est ce qui est rapporté dans les annales de l'histoire. L'Il-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir. Ce qui est rapporté de nos sœurs Tosé et d'Ibn Al-Qamis, ceux-là, ces deux têtes-là, c'est eux qui ont ouvert la porte aux Tatars pour envahir le monde musulman. Had Ibn Al-Qami, il a donné congé à tout, presque toute l'armée. Et il a affamé l'armée pour ne plus répondre au Khalifa. Et il les a privés de leurs soldes, etc. Le fait qu'ils étaient éparpillés partout. Et il a dit à Tatar, venez maintenant, la porte est ouverte. Ici un Rafidi qui jouait à Taqiyya, qui cachait tout dans son intérieur, jusqu'au moment voulu. Et quand c'est l'occasion est arrivée, raf, il a sauté dessus. Lisez l'histoire d'Ibn Kathir. Fa'an Daoud ibn Furqud, قال, قلت لأبي عبد الله عليه السلام, ما تقول في قتل الناصب, أتعرف من الناصب يا أخي الإسلام؟ هو السني. قال حلال الدم, ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك ففعل. قلت فما ترى في مالك؟ قال توه ما قدرت عليه. داود بن فرقد, dans ce qui est rapporté dans l'Anwar al-Qmaniya, a dit, j'ai dit à Abi Abdillah, alayhi salam, qu'est-ce que tu dis dans le fait de tuer un nasibi? Un nasibi, c'est l'homme de la sunna, c'est sunni. Il a dit, son sang, il est licite. Mais, fais attention, si tu es capable, hein, ne le tue pas directement, mais fais tomber un mur sur lui, ou l'engloutis-le solo, comme ça, il n'y aura pas témoin, et il ne témoignera pas contre toi. Il a dit, pour ce qui concerne sa fortune et son argent, il a dit, si tu peux, prends-le. Tu as un but à l'islam. والناصب هو كل من لم يكن شيعيا فأنا وأنت وكل سني ناصب عندهم الناصب tout un chacun qui n'est pas chiite. Donc ça veut dire que toi et moi, hein, et tout sunni sur terre, c'est un nasib عندهم. Donc son sang est halal pour Rafida. فانظر الآن أترضى هذا لأختك أو أمك أو خالتك أو زوجتك. Maintenant écoute, est-ce que tu accepterais ça pour ta mère ou là pour ta sœur ou là pour hein une de tes sœurs dans l'islam, زواج المتعة وعقيدتهم في زواج المتعة. Le mariage du plaisir, تمتع. Hein? لأن الصورة التي يطرح بها زواج المتعة عند الشيعة تجعله علاقة جنسية محضة تربط رجلا بامرأة دون أن يتكفل لها أن يكون لها أي حق من الحقوق التي يكفل لها الزواج كالإرث والسكن والنفقة ويجعل المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر لتنال قدرا من المال اسمه مهرا. L'image ديال le mariage du plaisir, هذا سي mariage سي الزنا avec autorisation, fait de la relation entre l'homme et la femme, c'est juste une relation sexuelle pure. Toi, vilain. Ce qu'il est l'homme et la femme dans ce mariage, dans cette mut'a, c'est juste le sexe. Sans que cette femme ait un droit. Dans le mariage, il y a des droits. Le logement, hein, d'être habillé. Hein, hadak, s'il la divorce, comment vous l'appelez en français? Hein? Là, pas la divorce, là, la pension, etc. Tout ça n'existe pas dans... Non, non. Ce qui existe dans le mut'a, c'est tout simplement prendre son plaisir en contrepartie d'une somme d'argent qu'ils appellent la dot. Mais c'est une fausse appellation. Et c'est... هذا الزواج المتعة عندهم ليس له شرط سوى صيغة العقد وذكر المهر والمدة فقط وصورته أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع ويذكر الصيغة بأن يقول لها أريد التمتع بك وتقول متعتك بنفسي أو نحوها ويتفقان على المهر ويحددان المدة ولو يوما واحدا. وهذه صورة دينية عند الشيعة للزنا الصريح، ودعوة مباشرة للفساد ونشر عريضة الفاحشة. Et donc c'est une union de la muta, de le plaisir. Il a qu'une expression à prononcer, et le fait de citer la somme, ils se mettent d'accord sur la somme, et la période, deux jours, un jour, etc. L'homme, il rencontre la femme, et il lui propose de prendre plaisir d'elle. Tamattu. Tamattu, c'est-à-dire prendre plaisir. Voilà. Tamattu abishay. La femme, qu'est-ce qu'il dit? L'homme, il lui dit, je veux prendre plaisir de toi. Et lui, il dit, bah, je me donne à toi pour ton plaisir. Voilà l'expression. Ils se mettent d'accord sur la somme et sur la période, un jour, deux jours, peu importe. Et ça, c'est l'image du zina dans la religion d'El Shia. Mais ce mot, on lui donne un aspect législatif d'El Shia. Et ça, c'est une appellation directe vers la débauche, vers le fait de propager le mal sur terre et dans la communauté. بل نص علماؤهم ومنهم الخميني في كتابه تحرير الوسيلة على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة المحترفة للزنا، قال يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا. أكبر. أي دين هذا أيها الإخوة؟ Leurs savants et à leur tête le Khomeini. Eh oui, le Khomeini Omar Draka Mel Khomeini. Dans son livre Tahrir al-Wasila, il est permis même de faire tamattu avec une femme dont le métier c'est la zina, la prostitution. Ouais. Il est permis de prendre plaisir avec une femme, une prostituée, même si c'est détestable. Mais c'est surtout si elle est connue par qu'elle est réputée dans le milieu du Zina. وما تريد هذه العائرة غير ما تكسبه من الدراهم سواء كان المورد من متعة أم من زنا. Et cette prostituée, qu'est-ce qu'il veut de cette union là, de cette muta? Ils s'en foutent. De gagner de l'argent, que ce soit en zina ou que ce soit en muta. فالفرق بين الذي قصد للزنا والذي قصد للمتعة هو الصيغة، فهذا يذكر المتعة وهذا لا يذكرها، وهذا له الويل والثبور وهذا له الأجر والحبور في دين الشيعة. Donc la différence qu'il y a entre le fait d'aller voir une prostituée et de lui proposer de tamattu ou là d'aller la voir juste pour zina, bah c'est tout simplement celui-là il est venu pour une prostitution claire et nette. Et l'autre, il est venu, qu'est-ce qui change? C'est juste l'expression. Je prends le plaisir de toi, ben je me donne pour ton plaisir. C'est ce qui change. C'est. Mais celui-là qui est venu directement et il a marchandé pour l'adultère, hada il a le châtiment. Mais celui-là qui a fait l'expression, dans la religion, on dit le shi'a, il a la récompense, min Allah. Vous comprenez quelque chose? Allah musta'an. Allah musta'an. Allah musta'an. Et voilà. Ne tombe pas, reste bien assis. Assieds-toi bien, mon frère, parce que celle que tu vas entendre, a'oudou billah. Shi'a ja'alat li atba'iha manasan 'anil farji wa abahat lahum ityan an-nisa min haythu lam ya'murna Allah 'azza wa jall. Shi'a, ils ont fait à leurs disciples, ils leur ont donné la législation comme quoi de pouvoir prendre plaisir de leur femme, même de là où Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas autorisé. La sodomie, akhal islam. L'autorisation de la sodomie. Sa'ala ahaduhum, wa hada fil kafi, inda al-Sheikh al-Kallini. Al-Bukhari indahum. A'oudhu billah. سأل أحدهم أبا عبد الله عن إتيان النساء في أضبارهن فقال هي لعبتك لا تؤذيها. Il a posé la question à Aba Abdillah dans le Kallini, dans le livre, dans le Kafi, le Kafi, hein, la plus grande référence en nous. dit, pour le fait de sodomiser les femmes, il a dit, si ton jeu ne lui fait pas mal, bon, moi j'arrête. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est leur religion. Ah, l'islam, il faut qu'on se réveille. Il faut aussi ceux qui sont autour de nous qui applaudissent Hezbollah. Il faut que vous réveillez, que vous voyez cette réalité. Wallah, il y a des choses qui font mal au cœur. On dit à des gens, ouais, regarde, ces hommes, c'est des hommes. Quel homme, Akhal Islam, quel homme? Réveille-toi. Alors, Huma, leur plus grand ennemi, c'est pas Hadouk. C'est toi. C'est toi leur ennemi. Kadalika min al-Khawarij, min ru'us al-Khawarij, ou min maraji al-Khawarij, man yata'anu fi sahabati Rasulillah. Aussi, il y a des références, c'est le Khawarij, ceux qui rendent mécréants les gouverneurs du pays de l'islam et les musulmans, etc. Leur tête rend critique certains compagnons de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et certains, il les met à leur sentence de la mécréance. Fasma akhal islam. Hada Sayyid Qutb. Fil adala l'ijtima'iyya. صفحة 206 يقول ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما نسأل الله العافية. أي كلام هذا في دين النورين أخ الإسلام؟ خلافته فجوة بين خلافة الشيخين وعلي. dans le livre العدالة الاجتماعية page 206 Sayyid Qutb dit ceci, clair. Et nous nous penchons à considérer que la khilafa de Ali, c'est la continuité de la khilafa d'Abu Bakr et d'Omar. Et que la khilafa de Uthman, c'est une faille entre les deux. De qui il parle? Il parle de Dun Nourain. Il parle de l'homme devant lequel les gens sont pudiques à l'islam. Wa qala fi kutub wa shakhsiyat. صفحة 242 إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرفوا منه بدخائل النفوذ وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش أعوذ بالله معاوية وعمر بن العاص يركنان إلى الكذب والغش وحينما يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب أن ينجحان ويفشل وإنه لشرف لفشل أشرف من كل نجاح. écoute cela, هذا سيد قطب dans كتب وشخصيات page 242 il dit ceci. Muawiya et son collègue Amr ibn al-As, Ridwanullahi alayhim, deux compagnons de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Ils n'ont pas battu Ali parce qu'ils connaissent au mieux les gens et comment faire avec les gens et qu'ils savent et qu'ils sont plus experts pour gérer les situations, etc. Mais ils l'ont battu tout simplement parce que pour eux, n'importe quel moyen, il est bon à utiliser. Alors que Ali, il est conditionné par son comportement et pour dans le choix du moyen du combat. Et là, cela, c'est la catastrophe. Et quand Muawiya et son collègue, c'est-à-dire Amr ibn al-As, deux compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, vont au mensonge, il y a la trahison, il y a l'hypocrisie, il y a donné des pots de vin pour acheter les gens. Muawiya ne possède pas à se rabaisser à ce point-là. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'eux, ils réussissent. Et lui, il perd. Et sa perte est mieux qu'eux, et plus noble que leur réussite. Ainsi, il a parlé de Muawiya, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Wahada, c'est leur référence. Quand les hommes de science ont critiqué cet homme, ont critiqué les livres qu'il y a, c'est un autre tremblement de terre. Comme si on a dans le Coran un verset, il ne faut pas toucher à Sayyid Qutb. Comment ça, il ne faut pas toucher à Sayyid Qutb? Et là, ces livres ont déglingué la jeunesse musulmane. Depuis les années 70, et la jeunesse musulmane s'enterre dans les prisons à cause des livres d'El Sayyid Qutb. Et il est parmi nos frères qui sont ici, qui étaient parmi les premiers, qui assistaient au premier cours des frères salafis ici, qui nous disaient comme ça. Quand on a fait la risala de la défense de Muawiyah radiallahu ta'ala, nous disait Wallah ya Hassan, là-bas, quand on était dans les facs au nord du Maroc, bah, on n'apprenait que les insultes sur Muawiyah. Directement, qu'est-ce qu'ils disaient? Directement de Zilal al-Qur'an, Kutub wa Shakhsiyat, et j'en passe. C'est pour ça qu'il nous appartient à apprendre qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Leur vertu, leur valeur dans le Qur'an, leur valeur dans la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam, leur valeur dans les écrits des hommes de science dignes du nom. Et non pas ces, les insensés du monde moderne. فالدفاع عن صحابة رسول الله هذا واجب على كل مسلم ومن سب الصحابة وطعنهم فهو مريض القلب وخبيث وزنديق. Défendre les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, c'est une obligation pour tous musulmans et toutes musulmanes. Tous, c'est une obligation pour nous. Et celui qui les insulte et qui les dénigre, c'est quelqu'un qui a de l'impureté dans son cœur. Quelqu'un qui est malade dans son cœur. Et il y a de l'hypocrisie. Comme il a dit l'imam Tahawi, le fait de les détester, ça fait partie de la mécréance et de l'hypocrisie. Et dépasser chez les mythes à l'islam. Parce que ceux qui parlent d'eux, alors pourquoi ils parlent mal d'eux? Ils n'arrivent pas directement à dénigrer le Coran, ni à dénigrer Mohammed alayhi sallam, il passe indirectement. Il dénigre Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali, Ridwanullahi alayhim, Muawiyah, Abu Huraira, parce que c'est eux qui nous ont transmis cette religion. Et donc, on les dénigrant, en parlant mal d'eux, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils dénigrent le message qu'ils ont transmis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dignes. C'est vers là où ils vont arriver. Ben, si ils les dénigrent, ben, ils dénigrent Mohammed alayhi sallam. De là, ils dénigrent la religion de Mohammed alayhi sallam. وأقواله والأدلة في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف الصالح تحرم سب الصحابة رضوان الله عليهم. Et les preuves dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et dans les paroles de nos plusieurs رضوان الله عليهم nous interdisent le fait d'insulter les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام. في كتاب ربنا يقول عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هكذا وصفهم رب العزة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي املأ قلوبنا حبا لصحابة رسول الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc, ces deux versets te prouvent les vertus de ses compagnons de Mohammed alayhi sallam. À la fin du premier verset, dans Sourate Al-Hashr, verset 8 à 10, dans le dua, il est demandé que Allah subhanahu wa ta'ala remplisse nos cœurs d'amour pour ceux qui nous ont d'avancer dans la foi. Qui sont ceux qui nous ont donc? Qui est le premier rentre dans les premiers croyants? Sinon le compagnon de Mohammed alayhi sallam. La demande, c'est de demander que Allah subhanahu wa ta'ala remplisse notre cœur. Donc, et le contraire de remplir notre cœur de leur amour. Donc, et en même temps, le contraire, c'est de vider notre cœur de leur haine. Hein? Et ce sont eux les véridiques, comme ils sont décrits dans le verset. Hein? Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et au moins, ils vont agréer ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. فَمِنْ خِلَالِ الْآيَتَيْنِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ أن الذين يسحبون أصحاب رسول الله ليسوا ممن اتبعوهم بإحسان والذين يسبون أصحاب رسول الله هم من مرضى القلوب وهم زنادقة والزنديق هو المنافق. Les deux versets, il t'apparaît, frère en Allah, que ce soit verset Tauba ou l'Al-Hashr, il apparaît clair que ceux qui insultent les compagnons de Mohammed ne font pas partie de ceux qui les suivent à la perfection. Et ceux qui les insultent font partie de ceux qui ont une maladie dans le cœur et qui sont des hypocrites. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب ولهم عذاب مهينا. Et le verset dans sourate Al-Ahzab, il te dit ceci clairement. Ceux qui font du mal à Allah et à son messager Allah, subhanahu wa ta'ala, les maudits, dans ce bas monde et dans le delà, il leur a préparé un châtiment avilissant. والذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ومن آذى الله فهو ملعون أي مطرود من رحمة الله عز وجل. Et ceux qui insultent les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, ils font du mal à Mohammed alayhi salatu salam. Et ceux qui font du mal à Mohammed alayhi salatu salam, ils font du mal à Allah. Et ils sont dans ces cas-là maudits, c'est-à-dire éloignés de la clémence d'Allah azza wa jal. Wa qala azza wa jal, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وجد دلالة في الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنهم في صدارة المؤمنين. Et il est dit dans l'autre verset dans sourate Al-Ahzab, et ceux qui font du mal aux croyants et croyantes, hein, sans qu'ils les méritent, ceux-là, ils vont avoir un grand châtiment. Ils alourdissent leur fardeau. Et le point de témoignage ici, c'est que le fait d'insulter le compagnon, d'insulter les croyants, ben c'est insulter les compagnons parce que les compagnons rentrent en premier. Ce sont eux les premiers croyants. Le fait de faire du mal aux croyants et aux croyantes, ben les premiers croyants, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Et le fait de les insulter, on rentre dans ce verset. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فإذا كانت الغيبة حرام في حق أي مسلم فهي في حق الصحابة أشد حرمة فيا ويل من وقع في غيبة صحابة رسول الله. Donc, et l'autre verset dans sourate Al-Hujurat nous interdit le fait de médiser sur les compagnons de Mohammed alayhi salam. Le verset dit ne médise pas, que les uns ne médisent pas sur les autres. Est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait manger la chair de son frère mort? Et si la médisance est interdite au sujet de n'importe quel musulman, en ce qui concerne le compagnon du prophète alayhi salatu wasalam, en priorité, hein, malheur à celui qui parle au mal des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Wa min sunnati nabiyyina alayhi salatu wasalam la tasubbu ashabi. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. Et dans ce qui nous rapporte le Bukhari rahmatullah alayhi dans la sunna authentique de Mohammed alayhi salatu wasalam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de nous dire n'insultez pas mes compagnons car par Allah, hein, si quelqu'un parmi vous dépense l'équivalent de la montagne de Hud en or, il n'arriverait pas à une poignée ou la moitié d'une poignée de compagnons. Où ils sont ceux qui les insultent? Si quelqu'un, hein, les insulte, on n'arrive à rien devant les compagnons de Mohammed alayhi salam. Avec la dépense de la montagne, la chaîne de montagne, Uhud, là en or, tu la dépenses, tu n'arrives pas à la moitié d'une poignée d'un compagnon, de ce qu'il a fait à un compagnon. Et c'est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. وقال صلى الله عليه وسلم من أصب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم dit celui qui insulte mes compagnons il a la malédiction d'Allah عز وجل, c'est-à-dire il est éloigné de la clémence d'Allah, il a la malédiction, les anges le maudissent et tous les gens le maudissent. Où tu veux aller akhal islam? Quel ciel va t'abriter quand tu fais partie de ceux qui insultent les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام? Qu'est-ce qui t'attend après? Fa abshiru ya ma'shar al-rafida wa ya ma'shar al-khubatha يا من تتشدقون بسب الصحابة أبشروا بهذا الوعد بهذا الوعيد وبهذه اللعنة وبالطرد من رحمة الله عز وجل. Attendez-vous les impurs là. Attendez-vous Rafida qui insultait les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام et qui s'enorgueillait en les insultant. Hein? Attendez ce châtiment qui va vous arriver. Attendez cette malédiction d'Allah عز وجل. Vous allez être éloignés de la clémence d'Allah عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين والأبرار من عباده المتقين وهم الصحابة الكرام. Il a dit عليه الصلاة والسلام le fait d'insulter un musulman c'est une perversité, le fait de le tuer c'est une mécréance, hein? Et dans la mécréance de celui qui tue un muslim, faudra revenir aux détails qu'en font les hommes de science. Hein? Et donc, ça c'est l'avertissement qui dirigeait à ceux qui insultent un musulman. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui insultent les meilleurs de l'humanité humaine après les prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam et les meilleurs des musulmans qui sont les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا أي أمسكوا ألسنتكم فيما شجر بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a averti quand on évoque ce qui s'est passé entre eux les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, il faut se taire, il faut prendre le conseil de Omar ibn Abdel Aziz رضي الله تعالى عنه وارضاه qui a dit تلك فتنة سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. C'est une fitna qui est passée, il a dit Omar ibn Abdel Aziz, auquel nos épées n'ont pas participé. Donc nos langues ne doivent pas rentrer dedans. Ne doivent pas s'éduluer à parler sur ce qui s'est passé entre les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle, il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, des étoiles, c'est-à-dire l'astrologie, tout ce qui a rapport pour utiliser les astres, etc., les études des étoiles, etc., pour faire de la magie, il faut se taire. Pas entrer dedans. Quand on parle du destin, il faut se taire. Ce sont les conseils de Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Quand on parle de ce qui s'est passé entre les compagnons de Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. C'est une communauté qui est passée, il aura ce qu'il a mérité, il aura que le bien min Allah Azza wa Jal. C'est tous les compagnons de Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Et vous allez avoir ce que nous allons avoir ce que nous méritons. قال صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمة الله عليه. رسول صلى الله عليه وسلم دي soyez bon avec mes compagnons et ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Il est dans la chaîne des authentiques du Cheikh Nasr رحمة الله. Soyez bon avec mes compagnons et la génération qui les suivent et celle qui les suit. C'est-à-dire les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, leurs successeurs et les successeurs de leurs successeurs. تابعين وتابع التابعين. رضوان الله عليهم جميعا. فالأحاديث التي اشتملت على تحريم سب الصحابة كثيرة فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك ويعتقد حرمة ذلك وأنه من أعظم الذنوب التي لا يقع فيها إلا رافضي غالي جعل للشيطان على نفسه سبيلا يتبعه في كل شيء يأمره به مما فيه معصية لله عز وجل. الحديث صنبه أن نمنطخ أن نزنتردير لفت d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il appartient, il est obligatoire pour tout un chacun de nous, pour tout musulman, qu'il fasse attention de ne pas tomber dans le fait d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il faut qu'il croie comme quoi il est illicite d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et que ça fait partie des grands péchés. Hein? Il ne tombe dans ce péché qu'un rafidi qui a fait que Shaitan, il a pris la main sur lui. Il fait ce que Shaitan lui dicte de faire. Hein? Et vous avez vu la religion d'Al-Rafida sur quoi il est basé. وَالسُنَّةُ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَفْجَرِ الْفُجُورِ وَأَنَّ مَنْ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ ظَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. La sunna a prouvé que le fait d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ceci fait partie des grands péchés capitaux. Et que c'est l'une des grandes perversités. Et celui qui est prouvé par ça, il s'est égaré un grand égarement. Il est dans un énorme égarement. Et il croit qu'il est dans le bien. وقد وفق الله سبحانه وتعالى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح إلى احترام الصحابة ومعرفة حقهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم وحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حيث اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة فيما يجب لهم من الحق على الخلق بعدهم حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم الله سبحانه وتعالى accompli la fraction sauvée. Les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ceux qui suivent leur puiseur, d'Allah alim, as-salafiyoun, atba' as-salafiyya, à connaître le droit des compagnons de Mohammed alayhi salam, et à ne les évoquer qu'avec le bien et qu'avec des compléments, comme il sied au rang de ces nobles compagnons de Mohammed alayhi salam. Ils ont préservé Mohammed alayhi salam, puisqu'ils ont cru ce qui leur a été dicté dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu salam. Hein? Ils ont mis en application le fait de respecter les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu salam, de les élever au-dessus de tout après le prophète alayhi sallallahu salam. Que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde les morts, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les vivants, que Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons comme eux et sur leur chemin. ومن أقوال السلف قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل بحق وهو الإمام المبجل رحمه الله تعالى ومن الحجة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكلين والكافي من هذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين لا نذكرهم إلا بخير والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الإمام دي جون دو لا سنة et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et il est l'imam de la sunna par excellence. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayh. Il a dit, fait partie des preuves claires et nettes qui sont connues. C'est qu'il faut, il ne faut citer que le bien des compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tous. Et quand, où sont les, le kléné et les références d'Al-Rafida de ces paroles, de ce noble homme de la sunna et de ce grand défenseur de la sunna. Et il a dit, rahimahullah, il ne faut pas citer ni parler de leurs défauts s'ils avaient des défauts. Hein? Il ne faut pas parler des divergences qu'il y avait entre eux et celui qui insulte les compagnons de Mohammed alayhi sallam ou un compagnon qui les diminue, qui les critique, qui les dénigre ou là qui fait allusion sans y aller directement, il le fait indirectement. Hein? C'est un innovateur rafidhi, khabith, impur. Il dit, rahmatullah, al-mubtadi, rafidhi, khabith. C'est un innovateur rafidhi, impur. Et il est mukhalif, il est en divergence. En divergence avec quoi? Avec la parole d'Allah, avec l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallam, et la voie sur laquelle sont les puiseurs d'Allah alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatullah alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera rien de lui. ويقول رحمه الله تعالى كما في السنة الإمام أحمد بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. Il dit رحمة الله عليه le fait de les aimer c'est la sunna. Aimer les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام c'est la sunna. Et le fait de leur faire dua, ça te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de les prendre comme exemple, c'est le moyen pour que tu y arrives. Tu arrives vers quoi? Vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de mettre en application ce qu'ils ont mis en application, de le suivre, ça c'est une vertu. Et le compagnon du messager, alayhi salatu salam, ce sont les meilleurs de l'humanité. Après les prophètes, alayhi salatu salam. Il n'est pas permis à quelqu'un de parler en mal d'eux, ni de les critiquer, hein, ni de les diminuer, ni de les dénigrer. Tout ceci, vous le trouverez dans la sunna de l'imam Ahmed. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدتي عقيدة السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Imam Tahawi, rahmatullah alayhi, de nous dire dans l'aqidah dite al-sunna ou al-jama'a, et nous aimons les compagnons du prophète alayhi sallam. Et nous négligeons l'amour d'aucun parmi eux. Et nous désavouons aucun compagnon. Et nous détestons ceux qui les détestent. Et qui parlent d'eux au mal. Et quand on parle d'eux, on ne parlera que du bien d'eux. Le fait de les aimer, c'est la religion. Et c'est la foi. Et c'est la bienfaisance. Et le fait de les détester. C'est de la mécréance, de l'hypocrisie et dépasser ses limites. Sallallahu subhanahu wa ta'ala nzuqna wa iyyakum hubban sadiqan li sahabati rasulillah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala naj'alna min muttabi'ina lahum wa min al-mudafi'ina 'anhum. Fahum shuhuduna wa hum sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fanshidu Allah annana nuhibbuhum. Sallallahu subhanahu wa ta'ala naj'alna wa iyyakum من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.